Les poètes du comité central de l'Union des écrivains de Corée ont publié plus de 200 œuvres poétiques pour encourager les militaires et civils coréens au mérite héroïque dans la campagne de 200 jours.